infinity.

Et bon réveil tout le monde, vous êtes sur Énergie. Alors petite bise matinale à Cyrielle, elle est à Montpellier. Elle stresse déjà parce qu'il y a le bac demain. Et là du coup bah, elle se tape une insomnie. Et bah restez avec nous Sissi, c'est vos hits préférés. Ed Sheeran, DJ Khaled, Charlie Puth, c'est la suite. Et avant de le retrouver à 22h ce soir, c'est le meilleur de Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Bon réveil. Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. On va raconter une histoire, JM du Standard. Ouais, Guillaume. On va raconter son histoire. Sabrina aussi, ouais. Julien Stagiaire, ouais, je suis prêt. Et Flo des cadeaux. Ouais. Ils ont chacun une histoire en rapport avec les soirées, ok ? Le but du jeu, c'est vraiment de trouver si c'est vrai ou si c'est faux. L'histoire, on ne sait pas si ça lui est vraiment arrivé. C'était un jeu de profiler, comme un flic qui doit écouter une histoire de meurtre, ouais. Comme un juge. Vous êtes juge. Ah, c'est ça en fait. Il faut savoir si le mec ment ou si le mec a rien fait. C'est dur. Hein. Le mec est-il coupable ? Le mec est-il pas coupable ? On peut se tromper aussi. Le mec n'a pas de vocabulaire. On lui dit le mec est innocent, le mec n'est pas coupable. Il faut trouver la réponse. Guillaume, et vous me dites vrai ou faux, on va essayer de deviner ensemble. Vous jouez chez vous, vous comptabiliserez vos points pour vous, à voir qui est le meilleur. Il y a Shams qui joue avec nous, Katoun de Marseille, Katoun qui est en train de faire des pâtes, on l'entend, Mathieu de Lille aussi. Ouais, et Linouche, là, la gagnante. Ouais. Bah, Linouche, tu restes avec nous deux secondes. Attention, première histoire en rapport avec une soirée. Sabrina, ouais. La nouvelle, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire de soirée? C'est parti. Ouais, carrément. Alors en fait, en février, je suis partie voir Danse avec Esther parce que je kiffe trop l'émission. C'était à Bordeaux, à la patinoire. Et en fait, tournée, hein, pas l'émission de télé. Ouais, c'est ça. Ouais, la tournée aussi. Ouais, ouais, tout à fait. C'était la tournée qui était à Bordeaux. Et donc, j'y suis allée avec ma meilleure pote et on s'est retrouvés assises à côté de Philippe Candelero, qui en fait était venu en fait parce qu'il habite pas très très loin en fait de Bordeaux. Il habite à Blanquefort. Donc du coup, on a sympathisé avec lui pendant toute la soirée. Et à un moment donné, il est parti faire une petite danse parce qu'il avait gagné la saison d'avant, enfin un truc comme ça. Donc il est parti danser avec la meuf avec qui il dansait habituellement pendant la saison. Et en fait, on a tellement bien sympathisé qu'en fait, on est parti avec lui à Blanquefort. Donc on l'a suivi en voiture et en fait, on a fini un gros barbecue chez lui. Et on est parti à 4h30 du matin. Et ça a été une très bonne soirée. Bon, on sait pas, voilà, on n'a pas pris une race ou quoi que ce soit. Mais par contre, on a hyper bien rigolé. C'est un mec hyper sympathique. Truc de ouf, quoi. Adrien. C'est vrai. Moi, je dirais que c'est une couille. Pourquoi ? Je sais pas, il y a trop d'arguments, je trouve. Trop d'arguments ? Qu'est-ce que tu penses, Shams ? Vrai ou faux ? Bah, vu les villes qu'elle a données, j'ai vécu un an à Bordeaux et Blanquefort, je connais bien. Donc, ouais, en gros, c'est les villes, en tout cas, tout ce qu'elle disait, c'était vrai au niveau des villes et tout. Teddy par SMS qui dit faux. Mathieu, vrai ou faux ? Moi, je dirais que c'est faux. Faux, pourquoi ? Bah, il y a trop d'arguments. Aussi, trop d'arguments. Enlève le haut-parleur, Mathieu, je t'entends mal. Lina, vrai ou faux ? Ouais. Moi, je dirais faux. Pourquoi ? Je sais pas, je le sens. Elle a l'air trop être à l'aise, en fait. Alors, je vais vous dire un truc. Elle a quand même pas fait l'unanimité. Hein. Ouais. Il y en a que un. Katoun, vrai ou faux ? Non, moi, je pense que c'est faux. Faux, pourquoi ? Ouais, parce que genre Philippe Candelero, il était à côté d'elle et tout, et puis après, il est allé danser. Enfin, c'est bizarre. Bah moi, l'autre jour, j'ai pris l'avion, là, il y a deux semaines, et Philippe Candelero, il était assis à côté de moi dans un avion pour aller à Bordeaux, et il était assis à côté. En classe éco. Bah oui, mais il n'y a pas de business en France. Hein. Bah oui, c'est les petits vols. Tout le monde est assis à côté. Hein. Bah, l'autre jour, j'ai pris l'avion pour aller à Marseille, je sais plus pourquoi. Non, ouais, clairement, il y avait, comment il s'appelle, le nageur Camille Lacour. Ah ouais. Et ah il était assis deux sièges devant moi. Et l'autre jour, j'ai pris l'avion pour aller à Toulouse, il y avait Gims devant moi. Maître Gims. Oui, en France, voilà. Camille Lacour, il vient prendre l'essence à ma station. Là. Ah bah voilà. Bah on l'embrasse. C'est vrai, Marseille. Aussi, ouais, c'est vrai, Marseille. Il nage. C'est un nageur ouais, professionnel. Au cercle des nageurs marseillais. Ouais. Et alors, moi, je voudrais dire pourquoi je pense que c'est une énorme boule. Ah bah une très grosse. Une énorme burnasse. Parce que, en fait, Sabrina, elle ne vivait pas son truc. Elle surtout, était là, elle était gros. Un peu molle. Attends, deux secondes, il y a plusieurs trucs. Bah, il y a un truc qui m'a choqué. Ah ouais, bah attends. En fait, elle a dit, ouais, bah, on l'a suivi, et puis voilà, c'était plutôt sympa. Bon, j'ai pas trouvé qu'il y ait trop d'entrain. Ouais. Et contrairement à toi, Shams, c'est pas parce qu'elle a dit un nom de ville que c'est vrai. Ouais, c'est la façon dont elle parle. J'ai un stagiaire, pourquoi tu dirais moi, que c'est une burne ? Elle a dit un barbecue au mois de février. Donc déjà, il y a un truc qui va pas. Ça, tu le fais en été, genre le barbecue. Ouais. Après, elle l'a vu quand. Alors, c'est pas vrai. Moi, j'ai des potes qui font des barbecues toute l'année électrique. Et parfois on est dedans et il y a le barbecue dehors avec des saucisses. Après, okay, si tu veux. Après, surtout s'il a une grosse maison de campagne et tout. Ça me choquerait pas. Sincèrement, ça me choquerait pas. Elle a placé Candelero, genre. Peut-être qu'elle l'a vu au loin. Elle a été à ce concert, à ce spectacle. Non, mais ça, c'est possible de se retrouver à côté de quelqu'un dans un spectacle. Oui, justement, mais après, elle a. Dans les premiers rangs, parfois, ils mélangent. Hein. Elle a rajouté, franchement. Elle n'était pas motivée par le truc. Flo, les cadeaux. Moi, je sais. Ah merde, donc je peux pas vous dire. J'ai le standard. Ouais, pour moi c'est faux, c'est de la con. Pourquoi? Bah parce que d'un coup le mec il va t'inviter, même si tu sympathises, à quel moment tu vois tu vas faire un barbecue chez la personne direct. Et pareil, le barbecue en février, moi j'y crois pas trop. Ouais, toi tu dirais que c'est pas vrai. Oui, ouais. Aude, tiens, notre stagiaire là qui est là en plus là, qui s'est mis à côté de James Sandard, vrai ou faux d'après toi? Moi je dirais une couille aussi, ouais. Pourquoi? Bah je sais pas, elle avait pas l'air sincère, je la regardais et tout dans les yeux, elle avait l'air un peu gênée. Ouais, ouais. Si, si, si, ouais. Ouais, on est d'accord. Il ouais. y avait un truc qui allait pas. Alors c'est une énorme couille, on est d'accord? Oui. L'émission qui te fait te chier sur la tête. De se chier sur la tête? Mais t'as filmé quoi? C'est Guillaume Radio 2.0, de 22h à minuit sur Énergie. Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band. She fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. You know she beat me at darts and then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee, singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar, using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room, swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little girl. Closing time, I was holding her hand, her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl on a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway. Bitch, you looking at the one. I'm the best yet, and yet my best is yet to come. Cause I've been looking for somebody, not just any fucking body. Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my God, she hit me up all response. Bitch, you blow my high, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes. And when she on the molly, she a zombie. She think we Clyde and Bonnie, but it's more like Whitney Bobby. God forgive me. Told you F and S and I'm a legend. Straight up out the crescent. Fly your bait on for the essence. For the record, I know Colin when that ball was spinning records. Move like game winning record. I'm just flexing on my asses. Yeah, you're looking at the truth. The money never lie. No, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Et au cœur de la nuit sur Énergie, en plus une heure sans pub. C'est Cédric, on se fait tous vos hits préférés. On va écouter JD de la nouveauté Énergie. Ça s'appelle In The Morning, JD sur Énergie, Maître Gims, Charlie Puth. Et puis le meilleur de Koé sur Énergie, bon réveil. Koé, 19h, 22h sur Énergie. Et vous faites quoi? Et vous faites quoi? Eh ben on est des chanteurs urbains, on fait de la musique urbaine. Okay. Et quel genre? Alors, t'imagines? Rap, R&B? Je vois très bien. Afro? Je vois aussi. Voilà, on est dans ce délire là. D'accord. Et là, on est là pour t'interpréter un titre qui s'appelle Vue sur la mer. Alors, les gars, pas 3 minutes 30, hein, faut faire plus court. Hein. Là, on revient de Cannes, en fait, on était au Midem, on était posé comme ça, on était, tu vois, tranquille. En soirée, on s'est dit, on va faire un morceau qui s'appelle Vue sur la mer pour Koé spécialement. Ah, et d'accord. Je suis flatté. Spécialement. Voilà, c'était pour toi et voilà. Ok. Je suis flatté. Je suis flatté. Ça va, ton copain à côté, il a rien dit. C'est quoi le prénom? Ah, mettez-lui le micro, les amis. Il a... Moi, c'est Black Pro. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Hein. C'est pas toi qui avais sorti ce morceau? Allô, allô, allô. Non, c'est pas nous, ça. Tu parles près du micro quand même. Hein. Bon, les gars, je vous écoute. Et à côté. Moi, c'est Mister Dors. Monsieur Porte. Mister Dors. Les gars, on se dit 1 minute 30. Allez. Pas plus. Ouais, pas on vous fait un petit show de spi. Ouais. Montrez-moi de quoi vous êtes. Il y aura des DJ tout à l'heure, il paraît. Oui. Qu'est-ce que t'as dit? À côté, t'as dit quoi? J'ai dit, vous inquiétez pas, on prendra pas le temps. En fait, on a fait une version accélérée, spécialement. D'accord. Allez, okay. Allez, spécial talent, on y va, faites-vous plaisir, vous avez le temps, soyez bons. Je compte sur vous, on y va. Allez, 1, 2, yeah, 1. Yeah, yeah. Yeah. Oh, wow. Yeah. Allez, on vous ambiance tout le monde là. L'or nous éclabousse, l'or recouvre nos mains. On a tout fait aujourd'hui, que des lumières éclairent notre chemin. On a converti les galères du passé en devise. Tout ce qu'on visualise, le Beckett se matérialise. La côte grimpe, océan de bifon capitalise. Chapelle de la réussite, est-ce que tu réalises? On est dans notre monde, feu d'artifice tous les soirs. Excusez-moi, j'ai eu un faux rire, pardon. Je suis désolé pour le faux rire, les gars, mais tu m'as fait tellement plaisir en partant comme un ouf, en faisant... On t'a enregistré sur la page, on te l'a fait en speed pour toi. Ouais, ça, mais faites-moi en speed la prochaine fois. C'est faire une sopra. Hein? Ils ont fait une sopra. Ah non, mais alors là, mais c'est... J'ai kiffé, j'ai ri. Bonne ambiance. Applaudissez les bonnes ambiances. Merci. C'est quoi votre nom? C'est quoi votre blaze? Votre blaze. C'est quoi ton blaze? C'est quoi votre blaze? Comment? Votre blaze. Comment? J'ai pas compris. Votre blaze. Le blaze, c'est Eric Danova. Eric Danova. Non, Eric Danova. Danova. Danova. Eric Danova. Non, Rick. Rick Danova. Tu veux, je le refais. Rick Danova. Rick Danova. Basse, on va faire juste le refrain. Merci les gars. Non, c'est bon. Juste le refrain. Ouais, carrément. Ah non, c'est bien. Non, mais en fait, tu peux me trouver sur YouTube, tu peux me trouver sur Facebook, tu peux me trouver sur Twitter. MalaiseTV.com. Carrément.

moi touche ma main. Accroche-toi, surtout ne te retourne pas. Tu ne rêves pas, tu ne rêves pas. Accroche-toi et tiens ma main bien fort. Une dernière danse ensemble avant que tout s'éteigne. But your body still I don't wanna know. Sur Énergie, une belle journée avec nous. J'espère que ça va ce matin. On se fait le meilleur de Guillaume Radio 2.0 là sur Énergie avec la musique du bonheur. Écoutez ça avec nous. Derrière, on écoute Jason Derulo et The Chainsmokers sur Énergie. Bon réveil, c'est mercredi. Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. On va commencer par la musique de Sabrina. Ah, la nouvelle. Sabrina, la nouvelle. Qu'est-ce que c'est ton morceau? Alors du coup, c'est un DJ français qui a fait son premier single il y a pas très longtemps qui s'appelle Célestal. Ah, alors je connais pas. Ouais. J'ai demandé à chacun des membres de l'équipe de sortir une musique qu'ils ont kiffé. Ça peut être un vieux truc, un nouveau truc ou quoi. Célestal, on écoute, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez pensé, JM du Standard? Pas mal. Dites-moi par SMS, hein, Guillaume, est-ce que vous avez pensé? Et je fais ça sur Twitter aussi, là, Guillaume Play PLY, je fais un petit sondage, vous me dites celui que vous avez préféré. J'aime le sondage. Pas mal, mais je vais mettre juste la moyenne parce que je trouve que ça bouge pas assez. Ça, c'est pas assez, tu vois, c'est soit ça y va fort, soit ça y va pas du tout, mais c'est au milieu. Combien tu mets? 5 sur 10. 5 sur... Ah ouais, feu des cadeaux. Moi je mettrais 4, c'est un peu simple. Ouais, c'est un peu simple. Ah, t'as pas trop kiffé quoi. Non, pas trop. Combien j'aime le sondage? 5, moi j'ai mis. 5. Guillaume. 4 pour Flo des cadeaux, très bien. J'ai un stagiaire. Moi, je mettrais un 3, c'est un copier-coller de plein de sons en fait. On l'a déjà entendu mille fois, c'est rien, c'est de la soupe. Ouais. C'est basique, c'est plat. Ah, c'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Là, je suis un peu d'accord. Ouais. Ouais. C'est de la... Même à l'ascenseur, il n'y a pas ça. S'emmerde un peu. Ouais, la merde. Ça fait un peu mi-son de gonzesse, mi-son de, de soupe. Ouais, c'est tiède. Mi-soupe, mi-gonzesse. Ouais. Ouais. T'en as pensé quoi, Serkan de Blois? Bah, c'est pas mal, ça va. Ça change de style. Ouais. Walid de Olnesou? Bon, 5,2. Ouais. Antoine, combien toi? Je pense 6. Ah ouais, sur 10. Ah ouais, putain, donc vous. Moi, je suis petit frère d'Antoine, je pense 5,5. T'es qui toi? Petit frère d'Antoine? C'est mon petit frère. Ah, il est venu dans la chambre. Moi aussi, je veux un suite. Ah bah vas-y, vas-y, on va voir les frères. Il t'enverra de l'offrir. Attends, attends, t'as quel âge le petit frère? J'ai 13 ans. Ah, c'est bien ça. Hier. Ah, bon anniversaire, frérot. Bon anniversaire. T'aurais appelé hier, je t'aurais offert un suite. C'est cool. Attends, vas-y, on y va. C'est parti. Deuxième musique, Flo des cadeaux. Ok. Alors moi il faut que j'explique un peu. En fait c'est un groupe de métal qui vient de Nantes qui s'appelle Ultra Vomit. Et... oh là là. Et en fait oh là là les ah, attends, attends. Oh la lourdeur. Attends, c'est un groupe en fait qui fait du métal mais ils font des parodies. Et en fait ils les font hyper bien. Et là en fait ils ont imaginé un truc, c'est qu'il y a un groupe de métal français qui est très connu qui s'appelle Gojira. Et ils ont imaginé ce que ça ferait si Gojira et Calogero faisaient un groupe. Mais en fait le problème c'est qu'on connaît ni Gojira ni Ultra Vomit. Non, ils ont imaginé. Oui mais en fait tu nous fais un mix de deux trucs qu'on connaît pas. On connaît que Calogero. Calogero et Gojira. Ouais, mais on Gojira. Sait pas qui c'est Gojira mec. C'est Gojira. Un groupe de métal mais tu vas voir, tu vas comprendre. Allez, c'est parti. Et ils ont appelé ça Calogira du coup. Alors je viens de voir que le morceau s'appelle Panzer Surprise. C'est le nom de l'album. Ouais. Flo des Calos, c'est limite. Hein. Non, Panzer, je te rappelle d'où ça vient. Oui, oui, mais c'est un groupe parodique. Ils font t'es que. T'es sûr? Ben oui, je collectionne des canards. C'est un de leurs titres. C'est pas violent. Putain. Le mec, il nous a mis à un groupe d'extrême droite. Mais ultra radical. On l'a pas vu arriver. On est tous là en train de rigoler. Ah putain, c'est marrant, Calogero. Ouais, attends, mais non, mais le titre me fait un peu peur. C'est de l'humour, t'inquiète. Je vais pas laisser plus loin. Je vais laisser plus loin. J'aurais pas mis ça. Mais non. Alors, attendez, tiens, vous avez tous donné votre avis. Vous allez nous dire vraiment ce que vous en avez pensé. Sabrina, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, ouais, c'était trop agressif. Deux. Trop agressif, très bien. Ouais. Gestasia, regarde-moi. Ouais, tu fais un signe que c'est à toi, je me disais, regarde. Ouais, vas-y. Excuse-moi, je t'ai pas vu. Bah, en fait, on peut même pas noter le truc. C'est de la merde, en fait. Excusez-moi, les métalleux, mais j'aime pas le métal de base. Et les mecs, ils niquent une chanson de Calogero, qui est quand même un grand chanteur français. Ils en font, franchement. C'est un hommage. C'est une insulte à Calogero. Attends, sérieux. Attends, que c'est une insulte. Et si Calogero, il écoute, franchement, il porte plainte. Mais non. Ouais, attends, sérieux. J'aime le standard. Ah, franchement, j'ai pas du tout aimé. Je mets un 2. Déjà, je suis pas fan quand c'est trop bourré, mais là, c'est trop bourré, on comprend rien. Ça fait mal aux oreilles en plus. Ouais. C'est pas ça agréable en fait. Ça fait pas du bien. Salut, ah, c'est vrai. Terrible leçon 7,8. C'est quoi le nom du groupe de métal pour Flo des Calos? 11 sur 10. Merci. Trop bon, Ultra Vomit. Salut Baptiste. Salut. Je mets 9 car je suis amoureux de la nouvelle. Salut Vincent du 77. Ah, merci Vincent. Alors, Flo des Calos, c'est combien t'as dit, Gilles Standard? Moi j'ai mis 3. Pas beaucoup. 3. Ouais. Je vais stagiaire. Moi je note pas, franchement. Je suis pas 0. Ouais, 0. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire? Et Sabrina? 2. Du lundi au jeudi, Guillaume Radio 2.0, de 22h à minuit sur Énergie. Young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all tonight. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my time. Shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la, la. Bust down on my wrist, ain't it, bitch? My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. Push it back it up, put it on the top. Push it drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Girl, and swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch and he know. Like how your wife and these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. It's the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. Okay, these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a seat, cause you know what I'm saying. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. Oh, I want something just like this. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Sexy girl. Et mercredi 14 juin sur Energy. Bon réveil, c'est Cédric sur Energy. Les 5h, on démarre la journée là tous ensemble. Qui fait le café au fait? Bon, le café, on va s'en occuper en attendant vos hits préférés, One Republic, Ritza, Z. On écoute aussi Kinvé, puis Meilleur de Koé et de Manu dans 6 snaps sur Energy. Bon réveil. J'ai arpenté les rues sans savoir où aller. Je n'avais pas une thune, en fait j'étais condamné. Nuit blanche et idées noires, difficile de rêver. Famille divisée, mais dis-moi sur qui compter. Maman pleurait, se cache pour ne pas nous alerter. Enfermé dans un monde sans pouvoir s'aérer. J'ai pris mes valises, oui j'en suis désolé. Aujourd'hui tout ce que j'ai, non je ne l'ai pas volé. Et le temps passe, rien ne s'efface. Tu as ta place auprès de moi. Devant cette glace, je me lasse. Sans ton visage, tu n'es plus là. Je voulais juste avancer. De temps, j'ai rien vu arriver. Si je n'ai pourtant problème d'adulte à gérer, j'ai pris les devants sans dire que je vous en voulais. Sans bruit en partant, j'ai laissé quelques regrets. J'ai toujours pris sur moi, je suis resté en retrait. Très peu de souvenirs, juste quelques portraits. Je me suis construit tout seul, non personne m'a aidé. Et aujourd'hui, ce que j'ai, non, je ne l'ai pas volé. Non, je ne l'ai pas volé. Et le temps passe. Rien ne s'efface, tu as ta place auprès de moi. Devant cette glace, je me lasse. Sans ton visage, tu n'es plus là. Je voulais juste avancer. Je ne suis pas loin dans vos cœurs. J'ai laissé des bouts de nous et des chagrins. Quelques larmes versées. Et les saisons défilent et nos avenirs se dessinent. Et il faudrait qu'on se décide. Au lieu de ça, on esquive. Je voulais juste avancer. get some feet off the ground. C'est Cédric sur Énergie. Une belle journée avec nous. Un bon réveil. J'espère que ça va aujourd'hui. On est mercredi. On va se faire kinvé là pour la suite. Z aussi sur Énergie. Z, c'est juste après le meilleur de Koé sur Énergie. Écoutez. Koé, 19h, 22h sur Énergie. On va ici avec Guéguette. Ouais. Tu vas penser au prénom de ta maman. Mes mains quand même. D'accord. Ok. T'en as d'autres, un stouf sur le corps. Tu verras faire tout à l'heure. alors. Là, c'est pareil, je vois à peu près qui est ce monsieur. C'est un monsieur qui est. Guéguette. Ouais, Guéguette. Ouais. C'est un monsieur qui passe partout. Mais attention. Merci. Pas au niveau de la tête. Oui, banal. C'est insignifiant. C'est un mec qui peut bosser à Fort Boyard. Non, je veux dire, passe partout, tu sais t'adapter. Ouais. Tu vois, tu sais, t'es malléable, tu sais t'adapter. T'es très intelligent, t'as une intelligence supérieure, je pense. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je pense que tes parents sont peut-être des instits ou médecins. Non plus. Non plus. Ok. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents? Ma mère, elle travaille dans une librairie. C'est pas mal pour l'instant. Non, d'accord, alors. Ok. Dans une librairie, donc mal, c'est quelqu'un de cultivé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. C'est quelqu'un de cultivé. Tous les gens qui vendent des journaux et des stylos, ils sont cultivés. Voilà, absolument. Hein, absolument. Mais sa maman, elle est cultivée. Office Depot, les gens sont en CSP+. Ok. Je vend pas de stylos. tu peux me laisser aller jusqu'au bout, s'il te plaît? Vas-y. Tu m'as contrarié. Alors, je veux pas te croire, pardon. T'en as deux sur le front, là. T'en es mis une au bout de la bite. Allez, on y va. T'es prêt? Je vais regarder. Ok. Allez. Non mais non, t'en as pas. Alors, trois prénoms, d'accord, pour essayer de trouver le prénom de ta maman. Ouais. J'irai pas sur le prénom de ton papa parce que j'hésite avec. Prénom de ta maman, est-ce que c'est Stéphanie? Non. Laurence? Oui. Oh, oui, ouais, très bien. Ok, ça marche. Merde. Et puis, je vais prendre le téléphone de Touf. Alors c'est là où elle commence à arriver. Pardon, Touf. Et pour en quel honneur? Alors, je peux prendre le téléphone de Pietre. Hein, non, personne ne le donne ici. Non. Et ne me le demande pas, je ne te le donnerai pas non plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai même pas pensé. Est-ce que tu peux le déverrouiller, s'il te plaît? Voilà, ça y est, elle s'inquiète. Ah, l'angoisse. Non, mais ça va, allez, ça va bien se passer. Ça va faire le ménage. Supprimer les photos nues. Elle a tout supprimé tout à l'heure. Je vais aller sur Internet. Je vais aller sur Google. Tu n'as pas à avoir peur. Par contre, faut pas regarder, d'accord? Faut pas regarder. Je vais faire une prédiction. Et je vais vous demander à Pietre et je vais te demander à toi, Stouf. Oui. Je vais vous demander, puisque on a vu qu'on était pas mal sur le niveau des couleurs. Faut pas regarder. Regarde pas avec le live. Alors, ouais, je me dépêche. Voilà, la prédiction est faite. Tiens, je fais la TLC. Je vais te demander de choisir. Attends, touche pas. Je vais te demander, Pietre, de choisir un animal exotique, pas un chat, pas un chien, un animal exotique maintenant. Vivant encore ou pas? Je m'en ai rien à foutre. Pourquoi je joue pas? On travaille pas au musée Grévin. Non, c'est bon. Vas-y, dis-le à tout le monde. Tout le monde n'est pas mentaliste. Ah, le dodo. Le. Vivant. C'est un guet-apens. Bon, le perroquet. Le hara, on est d'accord? Le hara. Ouais. Le hara, ok. Et donne-moi une couleur. Bleu. Hara bleu. Est-ce que vous seriez étonné si, malgré la dizaine de possibilités qui existent au monde. Si ça, tu l'as fait sur le téléphone. Enfin, mais il a dit perroquet, il a pas dit hara. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît? Je ne touche plus au téléphone. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, la couleur? Ça s'est verrouillé. C'est quoi, fais voir? Voilà. C'est Stouf à poil! Non! C'est Stouf tout bleu. Niche. Un perroquet avec bleu. La touffe bleue. Alors là, mec. Hara bleu. Alors là. Merci beaucoup. Mais comment? Ah, Pietre, jure-moi que tu t'as pas demandé de. Ah non! Ah, on n'est pas. Putain, t'aurais joué. Mais non, c'est toi qui me l'as soufflé, le perroquet. Tu sais quoi? T'aurais dit un dodo. Je maintiens mon dodo. Je veux un dodo. Ah! Alors, j'ai utilisé Pietre parce qu'il est influençable. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un simple d'esprit. Merci. Est-ce que je peux voir ton carnet? Nous, au mentalisme, on appelle ça des teubés. Donc voilà. Alors. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. You by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own. But we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Stay. Sûr que je ne serais pas déçu et j'ai su que c'était la bonne quand je me disais. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait vriller, parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, je m'entends crier. Oh non, jamais je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Avant elle j'aimais être seul, qui aurait pu imaginer deviendrait un jour ma boussole à laquelle je pourrais me fier. Car près d'elle, moi, enfin, je me sens vivant. La seule chose mieux qu'un de ses baisers, c'est le suivant. Chaque jour, on se découvre, c'est vrai, mais pourtant, je la connais par cœur. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait briller, parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, je m'entends crier. Oh non, jamais je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Je me demandais si la vie avait un sens et t'a donné un sens à ma vie. J'étais indécis, mais de toute évidence, c'est elle le sens de mes envies. Jamais je n'aurais pensé tomber amoureux. Toutes ces peines, je vais penser afin qu'elle soit heureuse. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait vriller, parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, je m'entends crier. Oh non, jamais je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Elle a, ce petit je ne sais quoi. Elle a, ce que d'autres n'ont pas. Ce petit je ne sais quoi qui me fait briller, parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, je m'entends crier. Oh non, jamais je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait briller, parce que une seconde loin de ses bras. Et bienvenue sur Énergie, c'est Cédric, on se fait l'horoscope. Énergie, l'horoscope. Avec les Béliers, sachez que la journée va faciliter vos contacts. Les Taureaux, profitez d'une matinée active. Les Gémeaux, une obligation vous rattrape. Les Cancers, concentrez l'essentiel sur la matinée. Les Lions, l'ambiance est amicale et positive. Les Vierges, vos activités s'intensifient. Les Balances, une petite escapade ouvre sur d'autres horizons. Les Scorpions, vos finances sont en berne, un petit peu comme tout le monde. Les Sagittaires, vous ne voyez pas le bout de cette journée assez laborieuse. Les Capricornes, vous obtenez de très bons résultats. Les Verseaux, votre sourire est communicatif. Et les Poissons, la matinée sera tonique. Bon réveil sur Énergie. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Julien de Daumont dans le Val d'Oise. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Manu sur Énergie. Eh oui. Julien, je vais te doubler ton salaire. 1056 euros x 2, ça va faire pour toi 2112 euros. Oh là là, super, merci beaucoup, franchement, ça déchire. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Bah à cause de la tempête, la mairie a annulé le marché, donc impossible de vendre mes fruits et légumes, moi. C'est un gros manque à gagner, hein. Mais heureusement, il y a la MAPA. Pour les tomates, 2 ou 3 kilos. Le pack décision administrative de l'assurance multirisque commerce MAPA couvre votre perte d'exploitation en cas de fermeture décidée par les autorités administratives. Avec la MAPA, l'assureur dédié aux professionnels de l'alimentaire, votre passion est entre de bonnes mains. En ce moment, 2 mois offerts sur la multirisque commerce MAPA pour tous nos commerces assurés. Conditions sur mapa-assurance.fr. gagner sur Énergie 1000 euros cash offerts par Best Drive. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 sur Énergie. À l'occasion de l'anniversaire Best Drive du 1er au 30 juin, jouez au jeu des 5 mots et gagnez 1000 euros cash avec Énergie. Hit Music Only. Cherchez l'âme sœur, faire fortune, trouver le bonheur. Un conseil ? Flou au 7-20-12. Ne t'inquiète plus, tout ira bien. Envoie Flou au 7-20-12. Nos experts seront là pour lever le voile sur ce qui te tracasse. Plus de poids sur le cœur, plus de peur. Flou, F-L-O-U, au 7-20-12. Tu connaîtras enfin le soulagement d'avoir les réponses à tes questions. Envoie Flou au 7-20-12. Prends ton destin en main. Flou au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS et énergie. Gagnez sur énergie. Des iPads pour la sortie du film 50 nuances plus sombres en Blu-ray et DVD. Vous voulez devenir une femme entretenue ? Écoutez Coé de 19h à 22h sur énergie et vous gagnerez sur énergie votre iPad et le film 50 nuances plus sombres. 50 nuances plus sombres. Disponible en Blu-ray et DVD. Énergie. It's music only. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Head for the next town running, 'cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And when you're gone, I feel incomplete. Vous êtes sur Énergie, bon réveil tout le monde. Vous allez passer une belle journée qui va démarrer avec Manu dans 6-9 sur Énergie. Ce sera juste avant 6h en direct. Encore une chance de choper le fugitif Énergie ce matin. Vous allez pouvoir gagner jusqu'à 50 000 euros. Restez avec nous, on se fait d'ici la One Republic, Louis Fonzi, la météo dans moins de 10 minutes. Et voici le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu dans 6-9 sur Énergie. Dimanche, c'est la fête des pères, c'est la fête des papas. Oui. J'ai une question à vous poser. Quel est le souvenir le plus incroyable ou le plus marquant avec votre papa? Écoutez bien, sur le site Reddit, qui est un énorme site, un énorme forum mondial, en fait, les gens ont répondu à cette question. Quel est le souvenir le plus marquant avec votre papa? Écoutez bien, mon père était pompier, il est venu me chercher à l'école avec le camion professionnel une fois. Oh, quelle classe! Oh, oh là là, le truc de malade, quoi! T'es la star. Mais t'es la star pour des années, Glandu. Ouais, normalement, t'as honte que tes parents viennent te chercher avec la voiture, quoi. Mais là. Quoi de mieux que ça, quoi. Ouais. Mon père a fabriqué une voiture télécommandée géante, m'a posé dessus alors que j'étais tout petit et m'a baladé un peu partout. Oh. C'est quoi ceci? Mon père et moi avions construit un canon à pommes de terre. Nous avons envoyé les patates en orbite depuis le jardin jusqu'à ce qu'on entende une alarme de voiture se déclencher dans la rue voisine, dans la direction dans laquelle nous venions de tirer. Oups, mais c'était tellement drôle. Un autre beau souvenir avec son papa. Mon père, musicien, a composé une chanson uniquement pour moi et m'apprendre comment on faisait les bébés. C'est adorable. Oh, c'est mignon. Et un autre, une fois, mon père a fait un prout si horrible que le chien a vomi. Ah, okay, bon, c'est moins adorable. Il y a deux écoles chez les papas. Ah oui. Quel est votre souvenir le plus marquant avec votre papa? C'est la fête des papas dimanche prochain. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Oriane. J'avais fait pipi moi dans ma culotte pendant une kermesse et j'avais tellement honte qu'il a enlevé son pantalon et il m'en a fait une jupe d'appoint et il a fini la journée à la kermesse en caleçon. Oh, c'est mignon. Et je crois qu'on en parle à chaque repas de famille, à chaque fois, c'est notre plus beau souvenir. Mais c'était pas chelou quand même, à la kermesse d'une école, un papa en caleçon? Non, ça passe, c'était la kermesse d'un village pendant les vacances. Donc il faisait chaud, il avait des tongs, ça aurait pu passer pour un maillot de bain. Mais c'était un maillot de bain court et assez léger, quoi. Ouais, ouais, c'est pas chelou du tout. Non, mais c'était par amour pour sa fille, c'est lui qui a pris toute la honte plutôt que moi. Ah oui, monsieur, veuillez vous habiller. Papa. C'est quoi le pervers là-bas? T'arrêtes. C'est beau ce qu'il a fait. Ouais. Oui. Votre souvenir le plus marquant, Nico? Moi, je crois que c'était pour mes 11 ans. Il m'a laissé, pour mon anniversaire, il m'a laissé conduire son tracteur tondeuse. Pour la première fois de ma vie. Oh. Et t'as écrasé pas mal de personnes. Non. Mais tout seul? Ouais, tout seul, ouais. Il m'a fait faire un petit tour comme ça. À 11 ans, t'étais seul sur le tracteur tondeuse? Ouais, mais mes parents ont une grande propriété comme ils ont un camping. Oui, oui. Un camping l'été. Bah justement, c'est-à-dire que tu peux partir dans tous les sens. Bah non, parce que c'était juste avant, il y avait personne, ça va pas très vite. Il m'a mis sur la première vitesse, là. Ça va, tu conduis doucement, il était à côté de moi, il marchait à côté. Oh, il m'a laissé, et je me suis vraiment. C'est la première fois de ma vie que je me suis vraiment senti homme. Moi, à 11 ans, j'avais conduit un bus. Ah bon, non, c'est pas vrai. Le mec qui invente des trucs pas du tout crédibles. Pour être au-dessus de lui. Ah ouais? Toi, c'est un tracteur tondeuse, et ben moi, c'était un bus. Attends, la classe. Ouais, quel bien. Est votre souvenir le plus marquant avec votre papa? Moi, j'ai un souvenir, j'en ai plein en fait des souvenirs. C'est des souvenirs de sport. Je jouais au foot, me rappelle. J'étais dans l'équipe B. Et on jouait tous les dimanches. Ouais. Et un jour, pour le match du dimanche, il manque quelqu'un pour l'équipe A. Mmh. Et là, on me convoque. Imaginez. Oh, classe. Je me retrouve dans l'équipe A à jouer au avant-centre, donc devant. Le problème, c'est qu'on jouait contre une équipe très très forte, ce qui fait que moi j'étais devant pendant toute la première mi-temps, j'ai pas touché le ballon une fois, parce que ils attaquaient tellement fort que c'était en défense, et à la mi-temps, je suis sorti. Alors que dans l'équipe B, j'étais hyper fort, et dans l'équipe A, ils m'ont sorti, ils m'ont remplacé par un autre mec, j'étais tout penaud, tout triste, c'était horrible, et le cœur déchiré, et là mon papa il m'a dit... Tu sais, c'est pas grave. Hier, au PSG, il y a Rocheteau, c'était un joueur à l'époque. Ouais. Et ben, il est sorti au suivi à la mi-temps. Mais c'était un très bon joueur. Papa. Et ben, je me rappellerai toujours de ce jour-là. Wow. Arrête, c'est hyper émouvant. Ouais. Nico. T'as arrêté le foot depuis, quand même. Non, j'ai été voir l'entraîneur et je lui ai dit, tu sais quoi, Rocheteau, il est sorti hier. On a André au téléphone. Bienvenue, André. Salut Manu, salut toute l'équipe. Quel est ton souvenir marquant avec ton papa? Alors moi, quand j'avais environ 7-8 ans, on est parti avec mes parents en course. Et sans aucune raison, j'ai reçu une PlayStation qui venait de sortir à l'époque. C'est-à-dire que tu vas faire les courses, genre tu t'apprêtes à acheter des tomates, en fait ton papa il t'offre la PlayStation. Exactement. Putain, c'est fort ça. On m'y attendait pas du tout. C'était. Bah, c'est mieux que l'inverse, hein. Tu pars pour acheter une PlayStation et en fait ton père il dit on va acheter que des tomates. C'est clair. Merci de nous avoir rappelé, je te souhaite une belle journée, André. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. To leave the doors and let them leave the lights on. I used to. You know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vendámelo, yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentando. pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Et bon réveil avec nous sur Énergie, on se fait la météo de ce mercredi. Énergie, météo. Avec du gris, du central Aquitaine ce matin, sinon c'est un beau soleil. Les températures de 11 à 22 degrés. Cet après-midi, soleil pour tous. Voilà, c'est très bien, ouais, pas de jaloux. 22 à Cherbourg, il y aura 25 à Brest et Lille, 28 à Strasbourg, La Rochelle, Nice et Bayonne, 31 à Paris, Dijon, Lyon, Limoges, Marseille et Montpellier, et 35 degrés à Bordeaux et Toulouse. Ouais, ça va chauffer chez vous là, dans le sud-ouest. Énergie, vous êtes préféré pour attaquer la journée. On se fait Calvin Harris, et juste avant 6h, retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie. Good places, staring at my my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walk in my mansion, 20,000 painting Picasso. Be dipping, dabbing, like a nacho. Took up a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, I'm out of bitch. Try on all your nights like this. I might put some spotlight on the slide. Oh yeah, whatever comes comes too quick. Do you slide on all your nights like this? Yeah. Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the slide. Whatever comes comes too. Music only. Hit music only. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you. When the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. Thank you. It was almost love. It was almost love. It was almost love. It was almost love. Allez, mercredi 14 juin là, sur Énergie. Bon réveil tout le monde, j'espère que ça va ce matin. Petit café, petite douche, on redémarre une nouvelle journée là tous ensemble avec Manu dans 6-9 sur Énergie en direct juste avant 6h. En attendant, c'est Camélon et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Écoutez. Manu dans le 6-9. C'est les sondages du jour. Spécial fête des pères aujourd'hui. Ouais. Ouais. 7 personnes sur 10 ont jamais vu leur père faire cela à la maison. D'après vous, faire quoi ? Oh, la cuisine ? C'est pas la cuisine. Le ménage ? C'est pas le ménage. Bricoler ? C'est pas bricoler. C'est un truc précis, hein. C'est faire quelque chose. Est-ce que c'est souvent une tâche qu'on réserve aux femmes ? Non, mais moi, ça peut m'arriver de le faire aussi. Voilà, Nico. Vider la vaisselle ? Non, ça, je fais pas. Rien. C'est ménager ? Oui, c'est ménager, on peut dire ça, oui. Glandu. On le fait dans la cuisine ? Alors, pas du tout. Alors, vraiment, c'est quand même bizarre, puisque la réponse, c'est faire le lit. 7 personnes sur 10 disent qu'ils n'ont jamais vu leur père faire leur lit. Alors. Et là, je suis en train de réfléchir. J'ai vu plus le lit de mon père défait que fait. Ah ouais. Moi, je ne sais même pas si c'est remuer la couette et bien la mettre. Je ne l'ai jamais vu faire. C'est un truc, il dort même pas dans le lit. Pour la fête des pères, 8% des papas aimeraient ce vêtement bien précis en cadeau. D'après vous, de quel vêtement il s'agit ? Un costume ? C'est pas un costume. C'est un seul, c'est un vêtement ou accessoire ? C'est un vêtement. Vraiment vêtement. Un vêtement. Glandu ? Un pull à col roulé. C'est pas un pull. Est-ce que c'est laid ? Est-ce que c'est laid ? Oui. Bah, il y en a des laids, il y en a des beaux. Là, c'est vraiment, c'est un peu comme tout, hein. C'est difficile à dire. C'est un truc que tu portes en haut ? C'est en haut, oui, absolument. Un gilet sans manches. C'est... Mon père me demande ça absolument tous les ans. Ah ouais ? Un gilet sans manches, il a toutes les couleurs, j'en peux plus, je sais plus où les trouver, ça se vend même plus ce truc. Et tu lui demandes des fois comment ça va cette année 82 là ? Pour la fête des pères, 8% des papas aimeraient un blouson en cuir. Oh, bah oh les loupards. Se rebeller un peu quoi, oui. Et alors, voyou voyou. Pour 6% des hommes, c'est le pire sujet de conversation à avoir avec son père. D'après vous, de quel sujet il s'agit ? Le nombre de relations sexuelles ? Non, c'est pas ça. Le boulot ? La politique ? Non, Glandu. C'est lié au sexe ? C'est pas lié au sexe, mais c'est lié à cette partie du corps, on va dire. Sur la taille du zizi ? Bonne réponse. Ah oui. Pour 6% des hommes, c'est le pire sujet de conversation à avoir avec son père, la taille du zizi. C'est gênant, effectivement. Nico ? À quel moment ton papa te demande si tout va bien à ce niveau-là ? Bah parce qu'il il demande, est-ce que tout va bien ? Toi, tu peux lui demander aussi, t'es inquiet. Ouais, non, mais je sais pas, t'es ado, tu trouves que ton zizi est petit, tu lui demandes, Glandu ? Tu te demandes si c'est héréditaire, quoi. Tu te demandes si ton père est comme toi, si ça vient de ton père. Voilà. Et je vais vous raconter un truc, ça m'est arrivé, ça. Ouais. Ah ouais ? Il y a très très longtemps. Là. Oui, j'espère. C'était, vous savez, quand, à l'adolescence, on a des testicules qui tombent. Ouais. Et au début, elles sont un peu en dedans. Mais c'est vrai, c'est médical. Tu connais pas, Ryan ? Ah, tu m'apprends ce phénomène. Ouais. Et ben, en fait, quand on est enfant, les testicules, elles sont un peu rentrées. Okay. Et à un moment, elles tombent. Mais c'est vrai. Oui, c'est très visuel, c'est pour ça que je rigole. Et moi, elles n'étaient pas tombées. Enfin, il n'y en avait qu'une qui était tombée, apparemment. Et mon frère, il me disait : t'as qu'une couille, t'as qu'une couille. Je suis sorti de la chambre, je suis allé voir mon père le soir, j'ai tapé à sa porte : papa, je peux te voir ? Il est médecin. Donc. Je lui ai dit, papa, je crois que j'ai qu'un testicule. Il m'a dit, mais non, t'en as deux, retourne te coucher. Wow. Donc oui, pour 6% des hommes, c'est le pire sujet de conversation à avoir avec son père. Ouais. C'est bon, elle est retombée l'autre. Oui, j'en ai bien deux. J'en ai bien deux. Des 6 heures. Des 6 heures. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Hey, quiero sexo, mami. Camaleón. Camaleón. Matt Houston. Squalé. Quiero sexo. Perché sur tes talons des heures de pompe. Tu sais que dans le quartier tout le monde te veut, mi amor. Quiero sexo. No me mires si sabes lo que pienso. Mañana y noche siempre pienso en eso. Deja que te quite la ropa, mi amor. Vamos a quemarnos la piel, subir al séptimo cielo. Ya sabes lo que quiero. Eres la que quiero. Déjame que te desnude, quiero que seas mía. Quiero sexo. On tombe à la renverse quand on t'aperçoit. Perché sur tes talons, des heures de pompe. Tu sais que dans le quartier, tout le monde te veut, mi amor. Quiero sexo. No me mires si sabes lo que pienso. Mañana y noche siempre pienso en eso. Deja que te quite la ropa, mi amor. Elle nous a mis dans une telle matrix. La La croisée, regardez, compliqué. Maman, si t'as connu nos vices, juste un mot, crois-moi, elle t'a déjà cerné. Should have said I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, trouble's yet to come. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily, and no thank you is how it should have gone. I should stay strong. After dark, I don't want no part. My habits, they hold me like a grudge. I promise I won't budge. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily, and no thank you is how it should have gone. I should stay strong. For me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily, and no thank you is how it should have gone. I should stay strong. caliente, les amis. 5h55 minutes. Vous avez vu les températures qu'ils annoncent là? Ouais. Très, très, très chaud. J'ai presque peur. Il va faire les 30 degrés, les 34 degrés, 67 degrés dans le sud. Ouais. Bon, j'exagère un petit peu. 5h55. Soyez les bienvenus, les amis. Il va faire chaud, il va faire beau partout en France. Je suis à deux doigts de me dire si on se ferait pas un petit barbecue pendant l'émission. Ah, ouais, cool. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de balcon, mais ouais. Bah, on va le faire dans le studio. Oui, en toute sécurité, évidemment. Deux, trois petites chipotes comme ça, tranquille. Ouais. C'est Manu dans le 6-9. On est là avec vous. On démarre l'émission dans 5 minutes. C'est à 6h. Mais comme chaque jour, 5h55, c'est le club du 5-5-5. On est là entre nous. Vous êtes là. Vous n'avez pas attendu 6h, 7h ou 7h30 pour vous réveiller. On est donc ensemble. On en fait partie du club du 5-5-5. Et ça fait longtemps que dans le club du 5-5-5, on ne s'est pas écouté un petit Britney. Ah, cool. Hey. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas écouté un petit Britney? Ah, quoi, 3 mois, 4 mois? Au moins facilement. Eh bien, je dis stop. Non, j'ai envie de m'écouter un petit Britney. C'est peut-être mon titre préféré de Britney Spears. C'est Till the World Ends, il est 5h56, les amis. Bon réveil. Excusez-moi, je l'ai emmené au début parce que... On a entendu ce moment de gêne où elle t'a chanté dessus, effectivement. Oui, carrément, quoi. Genre Britney est supérieure à moi. Je veux bien la mettre, mais quand même. Bienvenue sur Énergie, bon réveil. Notice that you got it. You notice that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this good dish, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can't take it no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Bienvenue sur Énergie, il est 6h.